Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le cinéma québécois à Cannes. Tu crois au Martien, Mouf? Je sais pas. Toi? Je sais pas non plus, Mouf. Et s'il y a pas les Martiens, seuls les Martiens pourraient nous sortir de là. Seuls des êtres plus intelligents que les hommes. Mouf et Robert Charlebois dans le film de Jean-Pierre Lefebvre « Jusqu'au cœur » qui a été présenté au Festival de Cannes en 1969. Jean-Pierre Lefebvre est le réalisateur québécois dont le plus grand nombre de films a été présenté à Cannes. 11 de ses films ont au total été projetés au Festival de Cannes. L'aventure cannoise commence pour lui avec « Jusqu'au cœur » en 1969 et se termine avec « Le vieux pays où Rimbaud est mort » en 1977. D'autres réalisateurs québécois, bien sûr, sont devenus au fil du temps des abonnés du Festival de Cannes. On pense bien sûr à Denis Arcand, à Gilles Carle, plus récemment à Xavier Dolan. Le journaliste et animateur Franco Nuovo a lui aussi longtemps été abonné au Festival de Cannes, qu'il a couvert pendant une quinzaine d'années, des années 70 au début des années 90. Dans le cadre de notre série d'émissions spéciales, où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qui les passionnent, on a pensé l'inviter à venir nous parler de la présence québécoise à Cannes, ce festival qu'il connaît bien et dont il s'ennuie beaucoup, je pense. Franco Nuovo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Franco. Commençons par ça, par votre propre expérience, parce qu'il y a un lien entre le fait que vous nous ayez proposé cette émission et le fait que vous le connaissez si bien, ce festival-là. Parlez-nous d'abord de ça, de votre propre expérience de Cannes. Ça veut dire pour vous, ça commence quand? Ça veut dire à peu combien de festivals? J'ai fait 16 festivals. Je suis allé à Cannes pour la première fois en 1977 et c'était l'année où Monique Mercure remportait le prix d'interprétation pour J.A. Martin, photographe. En fait, pour moi, c'était un rêve devenu réalité. J'étais un cinéphile. Ouais. Tous les cinéphiles rêvaient d'aller là. Et puis, c'était quand même des années importantes pour le cinéma québécois. Mais Cannes, à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec Cannes aujourd'hui. Ouais. Hein? C'était pas la grosse machine, le gros cirque que c'est devenu, en fait. Non, c'était pas ça. Il y avait encore un palais des festivals qui était relativement modeste, ouais. Des marches. Il y avait un bar à côté qui s'appelait le Blue Bar, qui était le lieu de rassemblement de tous les festivaliers. C'était une autre ambiance. C'était une ambiance plus bon enfant, je dirais. Ouais. Pourquoi vous aviez envie, Franco, de nous présenter ces quelques moments forts de la présence du cinéma québécois à Cannes? Parce que il n'y a rien comme Cannes au niveau de l'énergie créatrice d'abord, puis médiatique ensuite, bien sûr, parce qu'il y a, comme ben à l'époque, il y avait quelque chose comme 3000 journalistes donc qui se bousculaient pour aller voir des films et tout. C'est un peu comme les Jeux olympiques, mais en culture. Puis ça donne l'occasion de voir des films inédits, des grands réalisateurs, d'autres qu'on découvre et que j'ai découvert pendant ces années-là. Des gens comme Kieslowski, par exemple. Ouais. Moi, je le connaissais pas. Je connaissais pas son cinéma. Je l'ai découvert à Cannes. Alors, puis il y avait des conférences de presse absolument épiques avec des gens, par exemple, qui débarquaient comme Johnny Hallyday qui avait joué dans un film de Godard. Et puis là, bon, ça se bouscule. Puis les journalistes du monde entier sont aussi en quête, pas seulement de films, mais aussi d'entrevues. Beaucoup plus les Européens, peut-être, que les Américains, ouais. Sauf peut-être certaines télés américaines. Et donc, à ce niveau-là, c'était épique. Le problème, c'est que les attachés de presse, au départ, dans ces années-là, dans les années 70, le Québec, ça voulait rien dire pour eux. Donc, ils faisaient plus barrière que de nous laisser passer pour avoir droit à une entrevue avec telle ou telle personne, tel ou tel acteur. Mais ça, évidemment, au fil du temps, ça va changer parce que le cinéma québécois va s'affirmer, va se faire une place à Cannes. Puis donc, quand vous êtes journaliste au Festival de Cannes, bien, il y a un effet de ricochet. Tout à coup, vous devenez intéressant parce que votre cinéma est intéressant. En fait, l'aventure du cinéma québécois à Cannes, ça commence en 1963. C'est la pêche la plus enivrante. Qui donne le plus de passion à l'homme. Toi, tu y remettais. Non. C'est pas pour t'ajouter. Tu connais pas. Non, j'ai vu des marsouins avec les doutes. Mais voir attendre ça, peut passer toute la. T'as pas vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des marsouins à terre, seulement. Oui, j'ai vu ça 20 ans de temps. Je fais ça 20 ans de temps, de la peine. Le film de Pierre Perrault et Michel Brault pour La Suite du Monde, c'est le premier, le tout premier film québécois qui est présenté à Cannes, Franco Nuovo, compétition officielle en 1963. Avec, donc, c'est comme ça que le cinéma québécois fait son entrée à Cannes et de très belle manière, avec un très, très bel accueil. Oui, vraiment, c'était. Moi, j'y étais pas, bien entendu, en 63, mais j'aurais aimé ça y être. Parce que c'est même des années plus tard, on parlait encore de Perrault. Perrault est très, très connu en Europe. Et puis, c'était quand même les pères du cinéma vérité. Et donc, pour ces jeunes réalisateurs de la Nouvelle Vague, bon, même s'il n'y avait pas encore la quinzaine des réalisateurs pour eux et tout ça, c'était quand même des maîtres. Perrault, Brault, c'était. Les gens de l'ONF étaient quand même super importants pour eux. Puis la caméra mobile, hein, parce que c'est ça le cinéma vérité que ça a amené sur le plan technique. Ça, vous faites le lien avec la Nouvelle Vague, ça va être récupéré par ces cinéastes-là. Oui, oui, oui, ouais, tout à fait. Puis il y a Jean Rouch à l'époque aussi en France. Évidemment. Tout ça s'inscrit dans ce sillon-là. Peu de temps après, 63 pour La Suite du Monde, les années 70, qui déjà, c'était une assez bonne décennie pour le cinéma québécois, avec entre autres Gilles Carle. Écoutez, 72, compétition officielle avec La Vraie Nature de Bernadette. 73, l'année suivante, à nouveau, en compétition officielle avec son film La Mort d'un Bûcheron. Écoute donc, Chris, as-tu envie de me voler mon mari? J'aime beaucoup mieux la réception faite à la mort d'un bûcheron que la réception faite à Bernadette. Les raisons de ça sont très, très simples. C'est que la vraie nature de Bernadette a été pris par le Festival de Cannes, par les milieux les plus officiels, la presse la plus officielle. On en a fait presque à un moment donné un sujet de prix et ça a eu une énorme popularité. Et puis tout ça, La Mort d'un Bûcheron a été pris par tous les gens qui entourent le festival. Et c'est les cercles de jeunes cinéastes autour du festival, comme Vincent, Faraldo et tous ces gens-là, qui ont apprécié le film. Et la critique qu'il a appréciée, c'est vraiment la critique dans les journaux que moi, j'aime beaucoup. Donc, le malentendu qui existait, notre côté sain, notre côté confiture aux fraises, qui a toujours été pour moi presque un malheur, je n'aime pas entendre parler de mes films comme ça, a été complètement débarrassé. Alors, les gens qui n'aimeront pas mes prochains films n'aiment déjà pas La Mort d'un Bûcheron, et ça, c'est parfait. Et les gens qui vont aimer mes prochains films aiment déjà La Mort d'un Bûcheron et discernent à l'intérieur une sorte de nouveauté dans le cinéma qui n'était pas pour moi définissable avant et qui ne l'est peut-être pas encore tellement, mais qui va certainement m'influencer parce que j'ai compris véritablement ici le cinéma que maintenant je voulais faire. Je suis étonnée un peu du Festival de Cannes dans le sens que je ne m'attendais pas à ce que ce soit tellement une foire commerciale de vente de films, d'intrigues, de star system. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Dans ce sens-là, je ne pense pas que ce soit l'endroit idéal pour moi de voir des films. Mais en tant que comédienne, c'est jamais mauvais que les gens voient, de se faire connaître. Je veux dire, pour moi, finalement, je repars avec le goût de faire un film. J'ai jamais eu le goût de tourner comme j'ai le goût maintenant, après avoir vu tout ça. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens intéressants comme Makaveev qui me propose le premier rôle de son prochain film. Dans ce sens-là, ça m'a plu. Mais tout le reste, tout le tralala, toute la foire, le journaliste, les intrigues, les bebelles, la course au prix, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Carole Laure et Gilles Carle à l'émission L'Art aujourd'hui en mai 1973. Gilles Carle va donc être un habitué du Festival de Cannes dans les années 70, Franco Nuovo. Ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est qu'autant Gilles Carle que Carole Laure nous disent déjà à quel point, quand on passe par Cannes, ça peut faire une énorme différence dans notre carrière. Carole Laure pour les rôles qu'elle obtiendra, mais absolument. Gilles Carle, lui-même, par rapport à lui-même, il y a comme un déclencheur. Il est à Cannes avec La Mort d'un Bûcheron, il se dit... Il y a un virage qui m'attend et je le réalise maintenant. Ça a un impact, Cannes, pour ceux qui y passent. En fait, il provoquait ce virage-là. Le regard des journalistes, il parle des journalistes que lui aimait. Je ne sais pas lesquels ils étaient, on peut s'en douter. Mais lui proposait, il dit voilà ce qu'est maintenant le Québec. En fait, c'est ça qu'il disait, voilà ce qu'est maintenant le cinéma québécois. Et puis l'imagerie de Carl, c'était quand même quelque chose. Carol Laure était un phénomène aussi, évidemment, ouais. Elle était une beauté. Alors les autres réalisateurs, quand elle dit oui, j'ai découvert l'envie d'aller faire du cinéma, c'est sûr que pour eux, ce qui était le plus important, c'était la reconnaissance médiatique, certainement, et la reconnaissance publique, que les gens aillent voir le film, parce qu'à l'époque, les gens allaient voir, les films étaient présentés dans d'autres salles aussi, pas seulement au Palais. Donc, c'était une découverte pour les Cannois. Puis la mort d'un bûcheron, c'est un phénomène en soi. Faut voir l'image, là, Willy Lamothe qui débarque avec Gilles Carle sur la croisette. Mais je crois justement que c'était au Blue Bar, parce qu'ils étaient... En fait, c'était des gens... Il y avait un côté bon enfant au festival à cette époque-là, et bon, les Québécois aimaient assez ça aussi. Denis Arcand, de la même manière, il était allé là avec la maudite galette et tout ça. Et c'était des gens, par exemple, un midi, évidemment, ils vont manger sur la terrasse, et puis Willy Lamothe, comme les autres, commande, et lui, il commande une entrecôte. Et l'entrecôte, bon, genre une heure après, elle n'est pas arrivée parce que le garçon ne l'a pas apportée. Alors, il arrête un garçon qui passe et lui dit, « Monsieur, j'avais commandé une entrecôte. » Puis là, il s'arrête puis il dit, « Ah non, ça ne devait pas être vous. Vous ne deviez pas être né au moment où j'ai commandé. » Donc, ils avaient du plaisir ouais. à faire ça. Ça a marché. Les Français aiment encore aujourd'hui. Ils parlent toujours de notre authenticité, mais c'était ouais. un peu ça ouais. qui était là déjà à Cannes. Puis Willy Lamothe, il était remarquable quand même. Absolument. Puis il aimait ça. Il aimait faire rire, ouais. Willy Lamothe. Ouais. T'as l'air de rester tout seul! T'es pas tout seul. On est ensemble. Pas l'imbécile Joseph Albert Martin. Ouais. Puis approche-moi pas! Puis sauve-toi pas! Je me sauve pas, j'ai rien à cacher. T'as rien à cacher, t'as rien à dire, y'a rien que ta maudite photo! Y'a rien que ça qu'on entend parler depuis 15 ans! Puis toi, y'a rien que des enfants qu'on entend parler depuis 15 ans! Ouais, mais les enfants, j'étais pas toute seule quand je les ai faites. C'est à toi aussi. Si t'en occupais un peu plus, peut-être que j'en parlerais moins. Je m'en occupe. À ma manière. C'est un couple, je pense, comme tous les couples du monde, sans doute. Parce que même en France, ils ont reconnu, ils ont vu à quel point ça représentait, ça reflétait la vie un peu plate, des fois ennuyeuse, du mari et de la femme, pris par leurs occupations. Même depuis la libération, même avec la libération de la femme, il restera toujours que... L'homme sera pris au travail, devra partir le matin puis rentrer le soir, et puis que la femme sera prise à élever les enfants, même si elle a de l'aide, même si elle a un travail, c'est elle quand même qui a la responsabilité. Même la femme au travail est obligée de rentrer à la maison, puis c'est elle qui a la charge. Et Baudin et Sabourin, quand ils ont écrit leur scénario, ils ont eu envie de se pencher sur l'histoire de leur grand-mère, de leur mère, de leur femme, enfin... Je ne veux pas dire là, spécifiquement la femme de Baudin et la femme de Sabourin, mais sur les femmes de nos jours, autant que nos grands-mères et nos mères. Puis pour arriver à cerner, puis à démontrer, surtout à signifier ce qu'est la condition de la femme maintenant, mais pas d'une façon violente, ils ont pensé de mettre ça il y a 100 ans, où la vie était quand même plus douce, plus tranquille, mais où la relation homme-femme était encore... difficile, aussi difficile que maintenant. Je suis jamais là! Je suis toujours là! Y'a personne dans le canton qui est plus souvent à maison que moi! Ben justement! J'aimerais bien ça, des fois, que tu partes travailler au champ comme tout le monde! Quand tu reviendras à la maison, peut-être que tu serais un petit peu plus là! Au lieu de te fourrer la tête toute la journée en dessous de ton maudit voile noir, à rien entendre, à rien voir! C'est Monique Mercure qu'on entendait dans le film. Donc, Gilles Martin, photographe, et à l'émission aussi, on en trouvait à l'émission Le cinéma à Cannes en 1977. Elle va remporter le prix d'interprétation féminine à Cannes en 1977 pour son rôle dans Gilles Martin, photographe. Ça fait déjà partie, j'imagine, des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce film-là comme un jalon important de la présence québécoise à Cannes, Franco. Mais c'est important parce que c'est comme le premier film qui remportait véritablement un prix, ben pas véritablement, qui a remporté un prix, le prix d'interprétation pour Monique Mercure. Et ça a comme ouvert la porte à une série de reconnaissances et de prix qui sont arrivés par la suite. Et ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que, bon, Monique Mercure, quand le film a été présenté, elle était au théâtre, elle jouait du Genêt, puis ici à Montréal, et puis elle est partie en vitesse à Cannes. Mais elle a dû revenir parce qu'elle avait d'autres obligations ici. Et le jour où il y a eu la remise des prix, elle n'était pas là. Et bon, j'imagine que pour une comédienne, c'était, ben, je me rappelle très, très bien de ça, c'était relativement triste de voir que pour la première fois, on avait une comédienne qui avait un prix d'interprétation et elle n'était pas présente. Oui. Puis après ça, Baudin est retourné, bien entendu, des années plus tard avec Being at Home with Claude, mais il n'était pas en compétition, c'était avec Roy Dupuis. Mais là encore, il cassait quelque chose, même si on était en 92, parce que, bon, à cause du thème de ce qui était la pièce de René-Daniel Dubois et de cette enquête policière autour d'un jeune prostitué homosexuel, ça cassait certaines barrières pour le Québec, oui, et pour le monde. Et les Français étaient... On n'était pas en 2020, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas peut-être préparés déjà à ce genre de film-là. Oui. Puis je reviens à Monique Mercure, mais... Bon, il y a quelques réalisateurs importants qui vont se faire une place, les réalisateurs québécois à Cannes, mais les femmes franco, peut-être plus, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression peut-être plus que les hommes, les actrices québécoises. On entendait Carole Laure, Marie-Josée Croze, Micheline Langteau, je ne suis pas certain qu'elle ait eu un prix, mais elle va être à Cannes aussi. Mm. Vraiment, les femmes sont présentes, les actrices québécoises. Mais les Québécois amenaient les femmes dans leurs films. Denis Arcand, avec Le déclin de l'Empire américain, il y avait quand même la moitié de la distribution qui était féminine. Et il y avait un discours féminin, oui, que, bon, les Européens n'avaient pas, puis même nous, ça nous avait un peu étonnés à l'époque, que les femmes puissent parler quand elles sont au gymnase de la même manière qu'un groupe d'hommes parle quand il est au gymnase, mais inversement proportionnel là, au sexe que l'on a. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes, il y a eu beaucoup de femmes qui sont allées à Cannes. Et oui, Marie, vous disiez Marie-Josée Croze, elle a quand même remporté un prix. Hein? Oui. Mm. Puis Arcand, ben, ça commence en 86 avec Le déclin de l'Empire américain, puis on y reviendra à la présence de Denis Arcand au Festival de Cannes, parce que lui, vraiment, ce sera un des champions du Québec. Ça commence dans les années 80, mais ça va continuer jusqu'au début des années 2000. Mais dans les années 80 aussi, toujours, cette étoile, j'allais dire filante, étincelante, Jean-Claude Lauzon. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande. Orignal, Orignal. Lion, lynx, manchot, Orignal. Vas-y, il est là, là. Vas-y, tu sais. Il est là. T'as tout seul, Albert. Il va t'y goûter. T'sais. Tu l'as eu, Albert, tu l'as eu? Je l'ai eu. On a tué un éléphant, Albert. Hé! Je l'ai eu! Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, c'est en 87 que Jean-Claude Lauzon présente son film Un zoo la nuit. Il sera là deux fois à Cannes, oui, mais une première fois en 87 avec Un zoo la nuit. Oui, et le film a été reçu, il était présenté à la quinzaine des réalisateurs dans l'ancien palais des festivals, et ça a été un triomphe. Mais quand des fois, c'est un mot qui est galvaudé, mais dans ce cas-ci, ouais, c'était pas galvaudé du tout. Lui-même, je crois, personne s'y attendait véritablement. Et quand le film s'est terminé sur la musique de Jacques Brel, bon, il y a eu une ovation qui est incroyable. Et Jean-Claude est sorti dehors avec les membres de l'équipe et la foule était amassée au pied des quelques marches. Il doit y avoir, je sais pas, une vingtaine de marches. Et il a été applaudi, ovationné. Il avait les larmes aux yeux. C'était véritablement troublant. C'était d'autant plus troublant que c'était, un, avec Le déclin de l'Empire américain qui avait été présenté avant, un des premiers films qui était une coproduction entre l'ONF et la production privée. Ouais. Et de toute évidence, ça marchait. C'était, ouais, une réussite. Ouais. Rencontre d'amoureux du cinéma sur les pieds. On voit l'image, hein, sur les pieds de cet escalier. Puis il y aura les Hollos un peu plus tard pour Jean-Claude Lauzon. Léo Lowe est arrivé, bon, en 92. Mais là, Lauzon s'attendait à autre chose parce qu'il avait été... Il était très, très aimé, hein, Lauzon, par les organisateurs du festival. Il avait été sélectionné, en sélection officielle, en compétition. Et il était certain de gagner quelque chose. Oui. Et Lauzon avait un caractère assez flamboyant. Et, puis il y avait une construction, là. Il se disait, le Québec, on a fait notre place, là. Oui, absolument. Il y a un prix qui me revient. Lui, il était convaincu qu'il allait avoir un prix pour Léo Lo. Il y avait Bourgault dans ce film quand même. Il y avait Ginette Reno. Ils étaient tous là. Et il a rien remporté. Et il a quitté la salle. Et puis, il est parti dans sa chambre d'hôtel et tout. Et je me rappelle très, très bien que Bourgault est allé le voir et pour lui dire, écoute, c'est déjà incroyable. Tu as monté les marches au festival. C'est énorme. Ton film a été présenté. C'est pas important de gagner tout de suite. Tu gagneras la prochaine mm-hmm. fois. Malheureusement, il n'y a pas eu de prochaine fois. Ouais. Mm-hmm. On parlait de Denis Arcand. Ça commence donc en 86 pour lui à Cannes avec le déclin de l'Empire américain. En fait, ça commence avant parce qu'il y avait eu, vous le disiez, la maudite ouais. guerre. C'est peut-être la présence la plus longue dans le temps à Denis Arcand. Certainement. Certainement. Et ce qui est très drôle, c'est que, bon, on parlait de Lauzon aussi. Et Lauzon était nerveux et Arcand lui disait qu'il avait été là, donc, des années, 15 ans, 13 ans plus tôt. Il lui disait, garde, profite, amuse-toi, rigole, va dans les fêtes, puis ça va bien aller. Mais Lauzon n'était pas comme ça. Ouais. Mm. Donc, Arcand, ce sera le déclin, ce sera quoi, Jésus de Montréal? C'est une enfilade de films là, qui vont... Il est adopté, lui. C'est une famille, Cannes. Il y a les gens qui président, oui. qui dirigent le festival et qui ont leur famille. À ce moment-là, Arcand fait partie de cette famille-là. Oui, et quand il est arrivé avec le déclin, ça a été un peu comme Lauzon l'année suivante. Ça a été une révélation parce que justement, il y avait cette construction dans le cinéma d'Arcand et c'est un cinéma très, très verbeux aussi, très, très intellectuel. Et bon, il y avait donc les Français avaient un faible pour ça. Et lui aussi a eu droit à des critiques et à une ovation. Et le film est parti après ça. C'est allé jusqu'aux Oscars. Malheureusement, le Québec n'était pas prêt pour la machine hollywoodienne. Ouais. Et puis, il y aura son dernier succès à Cannes, ce sera en 2003, Les Invasions barbares. Ouais. Parlons un petit peu du petit dernier, le prodige, l'enfant prodige, Xavier Dolan. ça commence en 2009 avec « J'ai tué ma mère ». Écoutez, c'est la nouvelle génération, c'est déjà de tous les réalisateurs québécois, il y a quoi, à peu près 30 ans, je pense, celui qui a le plus de prix en poche à Cannes. Mm. Mais les Français l'ont adopté. Ce qui est très bizarre, c'est qu'entre Denis Arcand en 2003 et Dolan, il y a quand même eu un espace, là, ouais. et une sorte de vide. Et je crois que Dolan, de par sa culture et de par sa façon de faire du cinéma, a été adopté immédiatement comme l'enfant chéri de la France. Déjà 8 prix pour lui à Cannes. En terminant, Franco, est-ce qu'il y a un lien, un fil conducteur? Quand on regarde les Québécois qui se sont démarqués à Cannes, qu'est-ce qu'on peut conclure? Moi, ce que je dirais, c'est que le cinéma québécois, à l'instar de tous les cinémas du monde, est à l'image de la société dont il est issu. Et puis, le cinéma québécois a véritablement, par contre, montré l'évolution de notre société et avec de faibles budgets, ce qui était très, très rare. Puis, il a su mieux que n'importe quel autre cinéma passer de l'intime à l'universel. Ouais. Franco, c'est un plaisir, animateur de l'émission Dessine-moi dimanche à ICI Première. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.